Mes épaules à se demander qui est cinglé. N'est-ce pas une preuve de ma raison que d'être capable de s'y porter à ma façon? Voir le monde, l'esprit de ceux qui ont jugé